Chapitre 5e. Louis finit par s'endormir à une heure indue. Mais il aurait mieux valu qu'il restât éveillé. Il fit un cauchemar affreux. Il marchait dans un couloir interminable entre deux haies de morts vivants qui le poursuivaient de leurs sarcasmes, de leurs crachats, et qui le meurtrissaient de coups plus douloureux les uns que les autres. Arrivé au bout du couloir, l'un d'eux le poussait dans le vide, mais Louis avait le temps de voir son visage, c'était Olga, qui ricanait plus fort que les autres. 10 heures. On sonna à la porte de son cabinet. Odette n'étant pas encore disponible, il alla lui-même ouvrir. C'étaient 2 hommes, l'un grand, assez jeune et mince, l'autre petit, râblé, un peu plus âgé. Après les salutations d'usage, Louis les fit entrer et asseoir dans la salle d'attente, puis il disparut dans son cabinet. Par le discret petit Judas qu'il avait placé, il les détailla rapidement. Le grand était vêtu d'un costume noir usagé mais propre et bien coupé, cintré à la taille. La cravate ficelle était noire également. Les souliers n'étaient pas de la première fraîcheur, mais avaient été brossés soigneusement. Le petit était replet et presque chauve. À la manière du reporter, il était vêtu d'un pantalon de golf en tweed et d'un pull jacquard sans manches, passé sur une chemisette à manches courtes. Il avait placé sa casquette plate à l'envers à la motocycliste. Ils gardaient tous les deux le silence et n'échangeaient aucun regard. « C'est auquel de ces messieurs ?» Le grand se leva et se dirigea vers le cabinet. Louis referma la porte derrière lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne pense pas vous avoir déjà soigné. »« Exact. Je ne suis pas malade, docteur. Enfin, je l'espère. Ce n'est pas la raison de ma visite. » L'homme commençait à intriguer Louis. Il cherchait à capter son regard, mais le médecin griffonnait des petits dessins sur son sous-main. « Je vous écoute, monsieur. »« Pinault, Claude Pinault. Je suis inspecteur de police. Et je voudrais revenir avec vous sur la matinée d'avant-hier. Vous vous en souvenez ?»« Parfaitement. Mais quel rapport avec une quelconque maladie ?»« Je faisais partie de l'équipe qui a arrêté la famille Zilber. »« Ah, félicitations !» fit Louis d'un ton ironique et glacé. « Je ne me souviens pas vous avoir aperçu. »« Vous reconnaissez donc que vous étiez bien présent ?»« Absolument. Qu'est-ce que ça prouve ?»« Attendez la suite. » Au début, j'étais en couverture sur le trottoir d'en face. Quand la famille Zilber est sortie, j'ai traversé pour prêter main forte. J'étais juste derrière vous et c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu. De plus, il faut vous dire que je parle parfaitement l'allemand. Et j'ai compris ce que vous a dit Zilber. Il ne vous a pas insulté comme vous l'avez prétendu, il vous a dit « Occupe-toi de lui, je t'en prie ». C'est ce mensonge qui m'a mis la puce à l'oreille et qui a aiguisé ma curiosité. Vous me suivez ? Parfaitement. Dit Louis calmement. « Continuez, monsieur Pinault. Je suis donc repassé sur le trottoir d'en face pour ne pas attirer votre méfiance. Vous avez parlé à la concierge et êtes entré dans sa loge. Oui, je l'ai auscultée, elle était au bord de la crise cardiaque. Possible. Quelques minutes plus tard, je vous ai vu ressortir de l'immeuble, tenant un enfant par la main et partir d'un pas décidé. Oui, et alors ? Et alors ? Alors, à moins que ce soit votre fils que vous soyez venu chercher. Mais vous n'avez pas de fils, monsieur Fogel. Je pense que vous cachez l'enfant des Zilber quelque part. » Devant le silence du médecin, Pinault se racla la gorge et enchaîna. « Bon, laissons cela de côté pour l'instant. Lorsque vous êtes passé devant la loge avec l'enfant, je m'attendais à ce que la bignole pousse les hauts cris. Silence total. Dès que vous avez tourné les talons, je suis entré pour l'interroger. Bizarrement, bien que vous l'ayez soignée, elle est aussi vivante qu'un tas de bûches. Oui, bah ça ne m'étonne guère, j'ai fait ce que j'ai pu. » Vous auriez pu appeler du secours. Mais vous aviez une tâche plus importante, n'est-ce pas ? Je vous ai rattrapé. Je cours vite. Et j'ai constaté que vous entriez bien ici avec l'enfant. Enfin, passons. Pourquoi ne pas m'avoir arrêté tout de suite ? Le grand art d'un policier, c'est la patience, monsieur Fogel. Il faut presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Vraiment, vous étiez un client intéressant et j'ai décidé de vous filocher. Pour ne pas tirer vos soupçons, j'ai passé la main à mon confrère Lambert. Vous permettez que je le fasse entrer ? Louis leva les bras en signe d'impuissance et de capitulation. Lambert, l'homme à la casquette, entra et s'assit à côté de son collègue en croisant les jambes. Louis essayait de respirer lentement et à fond pour calmer la chamade qui tambourinait dans sa poitrine. Lambert, tu vas bien dire à M. Fogel ce que tu as vu ? Lambert prit la parole d'une voix étrangement aiguë qui ne correspondait pas à son physique. En fin d'après-midi, vous êtes sorti et vous vous êtes rendu chez un marchand de couleurs rue Saint-Médard. Puis vous êtes allé parler à la concierge du numéro 25 qui sortait déjà ses poubelles en boitant. Vous êtes entré avec elle dans sa loge et êtes resté quelques minutes. Je me suis dit, tiens, il va la soigner. Quand vous êtes ressorti de l'immeuble, j'ai voulu jeter un coup d'œil sur la bonne femme. Elle ne risquait plus de boiter, la vieille. Ad patres. Vous admettrez que c'est troublant, reprit Pinot. Deux concierges, deux décès foudroyants inexpliqués. Hier, les deux corps ont été autopsiés. Certes, l'état de santé des deux femmes était déplorable. L'une avait le palpitant en piteux état et les artères encombrées. L'autre frôlait la septicémie. Mais pour chacune, ce ne sont pas ces dérèglements qui ont pu causer la mort. Le légiste a relevé sur les deux cadavres une marque de piqûre au creux du bras, signe d'une injection intraveineuse. Mais impossible de trouver la substance qui a été injectée. « Il n'y a que vous qui le savez, » précisa Lambert en se penchant sur le bureau. « Je ne leur ai rien injecté. C'était simplement pour les rassurer. Ne nous prenez pas pour des billes, docteur. Ça a donc de nous énerver. Par ailleurs, ces deux femmes étaient connues comme des dénonciatrices acharnées. Leurs bafouilles s'empilent sur nos bureaux. C'est quand même troublant, non ?»« Autant prendre son parti tout de suite, » se dit Louis. « Faut-il que je prépare une balise ?»« Quoique, vu les méthodes que vous employez, je ferais mieux d'emmener une pharmacie de secours. » Pas d'ironie, Fogle. Je sais bien que le major Müller va voler à votre secours. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Pourtant, hier, vous vous êtes rendu au camp de Drancy avec lui, déguisé en troufion allemand. C'était pour faire du tourisme, remettre du courrier, ou voir dans quelles conditions vivaient vos amis Zilber. Délicat, tout ça, délicat, ironisa Lambert, visiblement très satisfait de la tournure que prenait l'interrogatoire. Tiens, Lambert. Tu ne dis pas au docteur qu'avant-hier, dans l'après-midi, tu as vu un juif entrer chez lui et ne pas en ressortir? Tu crois qu'il l'a gardé pour l'engraisser et le bouffer après? Possible, Pinot. Mais la provision ne devait pas être suffisante, puisqu'il allait chercher la vieille du vieux. Ça me fait penser aux inséparables de ma tante qui piaillent tout le temps. Et là-dessus, il partit d'un grand rire qui fit tomber sa casquette et glaça le sang de Louis. Soudain, les nerfs de Louis lâchèrent. Il frappa des deux mains sur le bureau en se levant d'un bond, faisant basculer son fauteuil. « Assez, assez, nom de Dieu! Emmenez-moi tout de suite et qu'on en finisse !» Pinot vint se placer derrière lui, et d'une forte pression sur les épaules, l'obligea à se rasseoir. « Bon, vous allez vous calmer, docteur. Vous n'avez rien à nous offrir pour faire passer tout ça? T'as pas soif, toi, Lambert ?» Louis se leva, tout tremblant, et ouvrit une armoire dans laquelle il gardait habituellement une bouteille de cognac. Sans attendre, il porta le goulot à ses lèvres et s'en envoya une bonne rasade. « Allez, à la guerre comme à la guerre, faites passer !» s'écria Pinot. Et chacun des deux s'en jeta une derrière la cravate et faisant claquer la langue. « Asseyons-nous !» déclara Pinot, calmement. Chacun d'eux reprit sa place. Louis remarqua que Lambert avait de nouveau son air sérieux et triste. Pinot éclaircit sa voix. « Bien, ceci étant posé, nous allons discuter sérieusement, docteur Fogle. » Il marqua une pause en croisant les jambes, alluma une cigarette et tendit le paquet. « Vous pensez bien que si nous avions voulu, vous seriez déjà vous lamenter dans les sous-sols de la rue Lauriston, sous les coups des nervis nazis. Au lieu de cela, nous vous offrons de collaborer. Devenir collabo, moi, jamais. Vous ne pouvez pas la fermer une seconde et bien vouloir écouter ce qu'on a à vous dire. Collaborer, oui. Mais je ne vous demande pas de devenir collaborationniste. Je vous demande de coopérer, ce n'est pas la même chose. » Un ray de clarté commença à luire dans le cerveau de Louis. Se pourrait-il que... Soyez plus clair, inspecteur. Oh, je vais l'être, vous allez voir. Vous avez commis deux meurtres propres, sans bruit, sans effusion de sang. Presque des crimes parfaits. Je ne veux pas connaître votre modus operandi. Je veux simplement que vous le réutilisiez, sur commande. Si je saisis bien, vous me demandez d'être un tueur à gages. Tueur, oui, à gages, non. Et puis vous allez tuer pour la bonne cause, pour la justice. Exactement ce que vous avez fait pour les deux concierges. Louis voulait passer à l'action. Eh bien voilà, il allait être servi. Bien sûr, pour Pinot, c'était facile, vu de l'extérieur. Mais à y regarder de près, ce n'était pas si évident que cela de dégrouper proprement des gens. Écoutez, les deux femmes dont j'ai avancé le trépas étaient déjà foutues. La besogne était à moitié faite. Mais de là à effacer de cette façon quelqu'un en bonne santé, il y a loin. Peut-être, docteur Fogle. Mais je ne crois pas que vous ayez bien saisi que vous n'avez pas le choix. Et pour qui vais-je travailler? Pour nous, pour moi. Moins vous en saurez, moins vous pourrez en avouer sous la torture. Sachez seulement, continua Lambert de sa voix aiguë, que vous vous battrez contre l'oppresseur et pour la libération de la France. Je ne pense pas que ce soit contraire à vos idées, non? Évidemment, mais c'est quand même du chantage. Non, rugit Pinot. « Ne dites pas ça. C'est simplement l'utilisation judicieuse des outils que nous découvrons. Qui me donnera des ordres? Comment? Stop !» L'arrêta Pinot. « C'est la première et certainement la dernière fois que vous nous voyez. Sachez que personne, vous m'entendez, personne, ne vous contactera directement en notre nom. Si tel était le cas, fuyez le plus loin possible, car cela signifierait que nous sommes découverts. » Le silence retomba pour un instant dans le cabinet. Le médecin sentit que les deux hommes lui laissaient le temps d'assimiler ce qui venait d'être dit. Au bout d'un moment, Pinot jugea qu'il fallait clore l'entretien. « Bien, Fogle. Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter bonne chance. Pas de questions ?» Soudain, malgré son désarroi, Louis eut l'idée de tirer parti de la situation. « Écoutez, Pinot. Vous avez tout intérêt à ce que ma petite vie continue à s'écouler gentiment, sans anicroche qui puisse me faire remarquer des services de police. Évidemment. Reconnaissez que la présence des Meyer peut tout compromettre s'ils sont découverts. Ça, mon cher, c'est facile à résoudre. Il suffit d'appeler la Gestapo. En plus, vous vous ferez bien boire. Non, attendez, on parle franchement. Vous pensez bien que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Il faudra leur trouver des faux papiers. Pinot réfléchit un instant puis reprit la parole en écrasant sa cigarette. J'ai mieux que ça. Nous allons faire d'une pierre deux coups. L'appartement est grand? Oui, il y a trois chambres. Bien, alors voilà. Vous allez louer votre appartement à un couple de Français que je vais vous envoyer. Ils seront parfaitement en règle. Vous les ferez enregistrer légalement et en cas de problème, ils serviront de couverture aux Meyer. Alors ils vont cohabiter? Exactement. Mais vous les verrez rarement. Disons que cet appartement servira surtout de couverture. Vous me suivez? Si l'on frappe à la porte et s'ils ne sont pas là, les Meyer devront faire les morts. Simple, non? Et pour moi, ils seront au courant? Non, pas pour vos missions. Enhardi par l'issue du problème, Louis se hasarda à parler de David. Après tout, il n'avait plus rien à perdre. Il y a encore autre chose. Eh ben, pour un toubib, vous vous débrouillez plutôt bien comme marchand de tapis. Il est gonflé, renchérit Lambert. Écoutez, c'est pour le gosse. Il n'est pas juif. Sa mère est catholique et il n'est pas circoncis. Je voudrais l'adopter en quelque sorte. Vous pourriez vous en charger? Ok. Mais après ça, vous avez intérêt à être efficace, parce que sinon, il est né le... Louis lui donna la date et un bref signalement. Il pourrait être né à Lille, par exemple? Ça va, j'ai compris. Vous trouverez les papiers dans votre boîte aux lettres avec la mention personnelle. Il n'y aura pas de cachet de la poste. Bien, fit Louis d'une voix éteinte. Je vous remercie infiniment. Ah, précisa Lambert. Ne parlez pas de notre visite à votre épouse et agissez toujours seul, absolument seul, compris? La messe était dite. Louis ouvrit la porte de son cabinet, puis celle de l'entrée. Au revoir, messieurs. Les jambes flageolantes, il s'affala sur une chaise de la salle d'attente. En quelques minutes, sa vie venait de changer radicalement de cours.